êtes assez fou pour l'écouter. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Simon Fitbit nous parle de ses albums préférés de 2011 dans Phénomène. Et on parle politique avec François Landry. Assemblage requis, ça commence maintenant. Bon matin, bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Cifois Trois-Rivières en ce jeudi 15 décembre 2011. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Oui, les routes sont pas belles aujourd'hui. Hein. Non, les routes sont pas belles. Non, ça va pas bien. C'est pluvieux. Oui, j'ai la grippe. Ah la... oh, non! Ben, je pense, en fait... C'est pour ça les mouchoirs. Ah, ouais. Ah, ben, ça sera pas une belle émission pour toi, là-bas. Ah! On va essayer de compenser en donnant du bon contenu. Hein? Ouais, parfait. Hein, ça va te mettre de bonne humeur, j'en suis certain. Alors, on va voir la chronique Geek CNX avec les nouvelles d'hier et d'avant-hier. Ensuite, on va voir la chronique Phénomène avec Simon Fitzbé à 8h. Il nous parle de ses albums préférés de l'année. Le top 5. Top 5. Parce que Simon, bon, on s'entend, tu sais, on va pas se contrémandrer. Simon, c'est plus un gars qui écoute de la musique rétro, genre, tu sais... vieille un peu, c'est d'habitude. D'habitude? Ouais. D'habitude. On le connaît par sa chronique, c'est toujours des vieilles affaires. Mais le gars étudiant d'histoire, tu sais. Oui, le gars étudiant, c'est ça. C'est le personnage, c'est le gars, on le connaît, on l'apprécie comme ça, on veut pas que change. Bon. Mais il aime aussi la musique plus récente. Ça lui arrive. Oui. Donc il en écoute, il nous en parle dans sa chronique Phénomène tantôt. Donc ça va être un genre de chronique qui sort de son champ d'habitude. De son champ, de, comment t'appelles ça, t'sais? Parfait. Voilà. Parfait. Ben, non, mais son champ de... Pas d'expertise, parce que non, je sais qu'il est expert en plein de choses, mais c'est pour ça que j'ai pas dit. T'es à l'aise, là, son confort. Sa zone de confort. Sa zone de confort. Voilà son sleep number bed. Non? C'est des lits que tu peux ajuster là, avec des numéros, là. Avec des numéros? Ouais, sleep number, tu connais pas ça? Non, c'est des deux côtés du lit, tu peux y programmer avec des numéros pour comment ton matelas va être ferme. Ou mou. Mou ou ferme, chacun de son bord. Bref. Ensuite, à 8h30, on aura François Landry avec sa chronique Logocratie 101. Cette semaine, sa chronique s'appelle « Mariage ou l'art de faire de la politique autruchement ». Autruchement. Autruchement. J'aime ça. Mariage, c'est sûr qu'on parle de l'ADQ et de la CAQ. Ah ah! La CAQ ADQ. La CAQ ADQ. Vraiment, faut le dire de l'autre bord, ça va beaucoup mieux. L'ADQ CAQ. Bon. On débute avec une pièce de funambule. Tout de suite, à l'instant même, voici tel un naufrage. Sur C'est Fou 89 FM, c'est Assemblage Requis jusqu'à 9h. Bon matin. Bon matin. Je me réveille en même temps que vous, ne vous en faites pas. Tu m'entends? Non. Non. La sur l'eau qui tourne en noir.

used to be one of the rotten ones, and he likes you for that. Used to be one of the rotten ones, and he likes you for that. Used to be one of the rotten ones, and he likes you for that. Now you're all gone, got your makeup on, and you're not coming back. Can't you come back? Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Used to be one of the rotten ones, and I liked you for that. Now you're all gone, got your makeup on, and you're not coming back. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under your breath. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under your breath. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under your breath. Bleaching your teeth, smiling, flesh, talking trash under my window. Broken Social Scene avec la pièce Anthem for a 17 Years Old Girl. C'est entre autres sur la trame sonore de Scott Pilgrim vs. The World. Je savais pas que c'était elle. Oui. Ouais. Je savais que Broken Social Scene était présent en fait sur le. Sur quoi? Ben c'est vrai, quand sur même. Le disque. Soit sur le disque, sur l'album, le morceau peut-être avec un trou dedans. Là. En plein ça. C'est vrai ça. Donc, toujours Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées, 7h44. Et maintenant, ben, on va régler vos problèmes, là. Hein? Puis sinon, ben, on va vous en créer, puis ensuite les régler. Et on fait, tu sais, deux choses en même temps. On est polyvalent, polyglotte, qu'on appelle. Voici, ça existe, mais ça devrait répondre, là. Ça ça existe, mais ça devrait pas. Là, c'est la chronique où on vous parle de choses que les gens ont comme problème, comme ça, dans ce qu'on appelle le first world. Tu sais, c'est les first world problems, des problèmes de pas le tiers monde, là, mais le premier monde, là, le monde, l'autre monde. Là. L'autre? C'est quoi l'opposé du tiers monde, le reste? Le deux tiers monde, peut-être. Ouais. Je sais pas l'autre. Je pense pas que ça marche comme ça, mais bon. Commençons par les clés USB Cryptex. C'est un genre d'habitude basé sur quelque chose qu'on avait vu dans le film Le Code Da Vinci, là, c'est le film, là. Ouais. Code Da Vinci. Je l'ai pas vu, par exemple. Moi non plus. Donc, c'est une clé USB sécuritaire pour les fans de puzzles un peu paranoïaques en matière de protection de données. Donc, son boîtier consiste en une sorte de serrure dont la combinaison est formée d'une suite de 5 lettres. Pour accéder au port USB, il faut donc inscrire la bonne combinaison en faisant tourner 5 roues marquées des lettres de l'alphabet jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans les bonnes positions. Les fichiers eux-mêmes sont aussi protégés par un chiffrement AES256 et par un mot de passe, de sorte que même si un malfaçon réussi à découvrir votre mot de passe, il y a quand même de la protection sur les fichiers. Tu sais? Oh! Deux en choses plus. En même temps. Ça, c'est sécuritaire. Ça, mais... Faites attention, là, vos petites affaires. Un rétroviseur de jeux vidéo maintenant. Hein? OK. Parce que t'es dans en voiture, tu sais. Et t'as le goût de jouer. T'es un gamer. C'est fou, t'as pas le droit au Canada, je sais. Ben non, sûrement pas, mais ça va peut-être pas si tant paraître que ça. La compagnie China Vision doit considérer que la population mondiale est trop élevée, dit l'article de branchez-vous.com. C'est un rétroviseur pour la voiture doté non seulement d'un GPS et d'une connectivité Bluetooth, mais aussi d'un écran tactile de 4,3 pouces de diagonale pour qu'on puisse s'en servir pour jouer à des jeux vidéo. Oui, sur le rétroviseur. Il y a aussi des fonctions d'enregistrement numérique pour filmer ce qui se passe autour de la voiture, mais bon, hein? Ça, c'est pas important. C'est pas pour ça qu'on va l'acheter quand même. Maintenant, un autre problème. Ton propriétaire dans ton bloc appartement veut pas que tu installes de satellite, mettons, d'une compagnie de satellite, là, de télé. Là. Ils veulent pas. T'as entendu, t'as lu sur Internet, parce que même si tu peux pas le mettre sur le mur parce que ça va faire des trous, n'importe quoi, tu peux mettre un bloc de ciment dans la terre et puis mettre une rotte de métal, puis mettre le satellite après ça dans ta cour. Tu peux faire ça. Le propriétaire est pas supposé chialer parce que c'est ta propriété, ça. Parce que tu loues le terrain. Bon. Mais, une manière encore plus subtile, si t'es en appartement avec un balcon et que t'as pas de cour arrière, c'est la SAT Plus Chair, qui est une chaise qui a l'air d'une chaise quand tu la regardes visuellement, mais qui est un satellite avec les petits LNB pour qui rejoignent le satellite, les petites B qui sont en avant, tu vois, tout ça, les genres de petites cordes en avant du satellite. OK. Donc, c'est intégré à la chaise. Ah, oh, c'est cool. C'est disponible seulement en Europe pour l'instant pour environ 340$. Moi, ça, si j'avais un propriétaire qui voulait pas, là, je m'achèterais ça. C'est sûr et certain. Continuons avec un autre problème de la vie de tous les jours dans ce deux tiers de monde, mettons. C'est un vieux téléphone, parce que t'as juste un vieux téléphone, mais tu veux avoir la technologie de Siri, tu sais, sur ton iPhone 4S, mais t'as pas l'iPhone 4S. C'est quoi Siri? C'est le truc là, que tu appuies puis tu lui dis « envoie un message texte à telle personne », tu sais. OK. Genre « envoie un message texte à mon père, dis-y que je vais passer le chercher tantôt, nanana ». Puis c'est du langage naturel, on en a parlé dans CNX récemment, donc ça peut... Ça va écrire ton message pour toi, ça va chercher un restaurant, mettons, sur telle rue. Trouver un restaurant de... C'est une assistante numérique. Chinois. Exactement, un restaurant de chinois. Tu as tout à fait raison. Donc, le gars, ce qu'il a fait ici, c'est pas un produit qu'on peut acheter, mais il a intégré Siri dans un vieux téléphone à cadran. Pas à cadran, mais à roulette, là. Uh-huh. Ouais. Donc, tu fais le 1, et puis c'est l'assistant Siri. Il a même mis une petite pastille sur le centre du téléphone pour que ça ait l'air de ça. Puis ça fait vraiment les mêmes bruits, c'est la même chose. Il y a un Bluetooth là-dedans, tout fonctionne à merveille, c'est super bien fait. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com, j'adore ça. Allons-y maintenant avec... ça s'appelle le float. Le problème, c'est... mettons que t'es paresseux, premièrement, faut que tu sois paresseux un petit peu. Mais il peut y avoir d'autres raisons que ça, mais quand même... mettons que t'as un enfant, un bébé, et tu veux lui lire un livre, OK? Mais t'as juste t'as ton iPad, tu sais? Tout est rendu technologique, ton iPad, ou t'as un café à boire, tu veux boire ton café, tu veux manger un muffin, mais en même temps, tu veux lire un livre sur ton iPad, t'sais. Le float, c'est un genre de... Un peu comme nos trépied. Super trépieds à micro ici, ouais. Qu'on peut tasser de même nos micros dans le studio. C'est la même chose, mais avec un iPad dessus. Donc, tu peux le virer à l'angle que tu veux et ça flotte dans les airs devant toi. Donc, tu peux, mettons, être dans ton lit couché, tu flottes l'iPad devant, puis là, ben, tu peux regarder un film avec ta copine dans le lit, pas besoin de grosse TV, tu sais. Oh. C'est pas une mauvaise idée, en ouais, tant ça que vaut, ça? Ouais, c'est ça. C'est 245$. Oh. Mais c'est un projet sur Kickstarter, comme on parle souvent dans cette chronique-ci. Kickstarter, c'est les gens vont dans le fond, c'est un peu comme un téléthon. Là. Ouais, s'il y a assez de monde qui vont l'acheter, ils vont la faire. Exactement, c'est exactement ça. Et t'as un rabais sur le produit final une fois que t'as fait ton don. Donc voilà, pour le float, allez sur assemblagerequis.com pour voir la vidéo de différentes utilisations. Parce que j'avoue que si on voit pas les vidéos et qu'on n'entend pas les utilisations possibles, ça a l'air juste un petit peu stupide, ça. Comme idée, mais bon. T'as un magazine, mais tu trouves que t'es en train de lire ton magazine, mais tu trouves que les filles sont bien trop habillées. OK. OK. Donc. Change de magazine. Ben, peut-être. C'est l'application X-Ray App. OK. Mais c'est pour le catalogue d'hiver de la compagnie Moose Jaw. Donc, ils ont vraiment, eux, créé cette application-là pour ce catalogue précisément-là. Donc, c'est de la réalité alternative, le virtuel. Comment t'appelles ça? Je sais pas. Ah, quand même, c'est quoi? AR, Alternate. En tout cas, l'affaire de tu sais, mettons, t'avais un symbole, puis tu pouvais pointer avec ton iPhone sur le symbole, puis ça faisait apparaître des affaires dedans. Là. Il y a plein de compagnies qui font ça. T'as pas vu ça sur la 3DS, tu peux faire ça aussi. Tu mets des cartes sur la table, puis tu pointes avec ta caméra, puis ça détecte le mouvement de où que t'es, puis ça rajoute des affaires sur le symbole. Non. Oh. La réalité alternative, quelque chose du genre, en tout cas, ça a un nom. Vous savez de quoi je parle si vous avez vu. Si vous n'avez pas vu, ben allez sur la vidéo sur assemblagerequis.com pour voir comment ça fonctionne. C'est dans le même principe que ces jeux-là. Donc, c'est vraiment, tu pointes sur la page et dépendant de où tu es sur la page, l'application sait où tu es, où tu es situé. Donc, on va faire apparaître la portion nue exactement à la même place. Donc, si tu pointes vers ses jambes, c'est ses jambes que tu vois sur l'application par-dessus. Est-ce que tu comprends un peu la façon? Ouais, je comprends. Voilà, donc allez essayer ça sur assemblagerequis.com. C'est assez fantastique. Moi, sérieusement, ça me fait triper. Il faut que ça se reproduise pour d'autres compagnies. Encore. Maintenant, tu veux mettre du citron sur ton poisson, François? Ouais. Ou sur quoi tu mets du citron? Sur quoi tu mets du citron? Ben, tu peux en mettre... Bon, il y a plein de plats qui pourraient avoir du citron dessus, mais bon. Donc, dans ce cas-ci, c'est que tu veux pas acheter du citron en plastique. C'est pas pareil, ça goûte pas pareil. Il y a rien de mieux qu'un citron frais, t'sais. C'est vrai, ça? Bon. Ça, c'est vrai. Bon, donc, il te donne un spray que tu plantes dans ton citron. En fait, tu l'achètes. Ça, c'est vrai, là? Oui, c'est pas vrai. Tu peux l'acheter, ça coûte 5$. Donc, tu branches ça dans ton citron et ça devient vraiment cool, un spray. Ouais. Évidemment, tu peux t'en servir pour autre chose aussi, l'orange aussi. Oui, potentiellement, oui, c'est sûr. Sauf que c'est sûr que, mettons, sur du poisson, de l'orange, ça pourrait être bon. Pas de bon. On le fait pas assez. Ouais. Du poulet à l'orange. Comment du poulet à l'orange? Ouais. Oui, mais il va falloir beaucoup de. Oh non, non, spray mais... quand même. Du citron, c'est intense comme ça va. Oh, ouais. L'orange, c'est un petit peu plus... voilà, c'est le stem qu'on appelle. C'est disponible comme ça sur Internet. 5$. Pas cher. C'est un prix projeté, donc ça va être disponible bientôt. Voilà, pas en ce moment. Je voulais pas vous dire n'importe quoi, là. Tu manges des crêpes. OK. T'aimes ça les crêpes? Moi, j'aime ça les crêpes. Ouais. T'aimes surtout le sirop qui va à côté, évidemment. Ouais, tout à fait. Donc, pour ceux qui aiment manger des crêpes, et surtout avec du sirop, ben c'est une petite assiette à déjeuner avec une pente à l'intérieur. Donc, c'est fait exprès pour amasser l'excédent de sirop. Wow. Comme ça, tu peux plus facilement tremper ta bouchée restante dans la flaque de sirop, à l'inverse d'avoir à le chasser partout dans l'assiette. Et c'est vraiment, ça a été fait par le designer John Y. Qui est vraiment, lui, un fin connaisseur. Il a fait ça, il a mis son cœur dans ce produit-là. Et comment ça vaut, ça? Ça vaut 45$, quand même, un assez gros prix. Pour l'instant, c'est tellement populaire, même à ce prix-là, que c'est en back-order jusqu'au 27 janvier. Mais l'idée est tellement bonne que si les gens l'achètent, ça pourrait très bien descendre de prix, éventuellement. Non. J'imagine. J'espère. Puis c'est bon 45 pour... 45$, ce char-là, l'assiette. C'est très cher. Peut-être pas tout le temps non plus. Ouais, c'est à peine une fois par jour max. Non, c'est pas... une fois par deux, trois semaines, un mois, deux mois. Ça dépend. Ça fait longtemps que je peux manger des crêpes. Mais ça pourrait être utile pour d'autres sortes de plats aussi avec de la sauce. N'importe quelle sauce. Un hot chicken? Hot chicken. Hot chicken! Des ampoules maintenant. Des ampoules. Okay. Ton ampoule vient de brûler. Okay. Ça, c'est très cool. C'est très cool que ça brûle, non? Non, mais le produit. Bon, il est là, puis il regarde à l'avance. Oh. Surprends-toi pas par ma superbe chronique. Donc, ton ampoule vient de brûler et t'as pas de petit haut-parleur pour faire jouer ton iPhone. Pourquoi ne pas combiner les deux à la place d'aller t'acheter un soc pour iPod? Va t'acheter ces ampoules-là qui ont des haut-parleurs dedans. Bon, hein? Veux-tu expliquer le reste? Non, non, c'est les Audio Bulb Wireless Speaker Light Bulbs. C'est une lumière LED, donc électroluminescente, diode électroluminescente, qui fait autant de lumière qu'une ampoule de 60 watts. Et il y a un haut-parleur comme j'ai dans le milieu. Et c'est donc les deux ampoules-là qui se connectent sans fil à une station iPod qui vient avec, j'imagine. On peut mettre ça avec un iPhone, un iPod, n'importe quel appareil de musique avec une entrée auxiliaire. Voilà. Ça coûte 300$ par paire. Donc il faut avoir les deux, si je comprends bien, pour faire fonctionner le système, les deux et le dock qui, j'espère, vient avec. C'est pas précisé. Je sais pas, ouais, c'est pas précisé, mais j'adore les deux. Moi aussi. Ouais, je pense bien. Ouais. Ouais, parce que c'est la même compagnie. Ça a l'air à ça. Allez cliquer sur le lien, voyez les autres photos. Il y a même une petite télécommande qui vient avec ça. C'est super beau. Une fois encastré dans le plafond, pour vrai, c'est adorable. Maintenant, t'es dans ton lit ou n'importe où ailleurs et tu trouves que ton fil pour brancher ton iPod ou ton iPhone est trop long. C'est trop long. Mettons, t'es dans ton lit, tu te charges ton iPhone en même temps, le fil tout dans les jambes, tasse-toi de là, le fil. Là. Hein? Ben, pourquoi ne pas faire comme mes écouteurs à moi en studio ici, mes écouteurs Shure, hein? Avec un fil un peu comme les vieux téléphones, un fil en tire-bouchon. Donc, c'est un fil pour iPod ou iPhone avec un fil en tire-bouchon. Génial. 15$. Curly Cable. Ça va de 8 pouces à 70 pouces. Ça a du sens. C'est encore une fois un projet Kickstarter. Ils ont dépassé leur but. Donc, ça va être disponible. Pour l'instant, le prix est de 15$. Ça va devenir 30$ plus tard, une fois que ça va être vraiment produit en masse. Un bracelet maintenant dont on parle. C'est, tu te rappelles les bagues dans les années 80-90 qui disaient, qui te montraient ton humeur? Oh, ouais. Tu mettais ça sur ton doigt, c'était mauve, ça voulait dire que tu étais fâché ou peu importe. Là. Donc ici, c'est le bracelet Q-Sensor qui va vous dire comment vous vous sentez si vous ne le savez pas déjà. Hein? Premièrement, c'est un peu le but de la chose. Et ensuite, va tweeter ça. Votre quoi? Ah oh, oui, votre tweet. Oh, ouais. Sur Internet, c'est la compagnie Affectiva. Ça. C'est le Q-Sensor 2.0. C'est quelque chose quand même qui mesure la température et le mouvement. Mets toutes ces données-là ensemble dans son logiciel, détermine ton humeur et oui, ensuite, tu peux le tweeter sur Internet si c'est ce que tu veux. Tu peux évidemment enlever cette option-là. La chose, c'est que l'appareil coûte 2000$. C'est beaucoup d'argent pour utilisation personnelle. Mais on dit, le marketing de la chose dit que c'est pour utilisation professionnelle. Je sais pas pourquoi ce serait plus professionnel de dire ton humeur sur Twitter. Je sais pas, hein. Mais peut-être qu'ils peuvent le vendre plus cher étant donné qu'ils disent produits professionnels, hein? C'est n'importe quoi. Peut-être. J'adore le prochain, c'est le Scanomat Top Brewer. Donc, parlons-en, tu te lèves le matin, t'as envie de boire un espresso ou un latte, chocolaté, mocha la fatacala, marmelade, Lady Marmelade. Hein? Tu veux boire du café, bref, le matin. Mais ça tente pas de le faire toi-même. Tu veux une machine qui fait pour toi et tu veux qu'ils t'asserve bien chaude, à la bonne heure, à distance. C'est super. Donc, c'est un truc que tu installes dans ton comptoir. Donc, c'est vraiment comme un genre de robinet qui va sur un trou, évidemment, si jamais ça coule à côté. Vu que tu fais à distance, ça peut, les mesures peuvent ne pas être très, très bonnes. Des fois, ça peut dépasser. Donc, au moins, tu as la chance de récupérer tes déchets. Donc, tu es dans ton lit. Tu lui envoies avec un bouton sur ton iPhone, disons, et ça va être prêt dans 15 secondes. Tu mets, évidemment, ta tasse là, le soir avant de te lever. Hein. Oui, idéalement. Évidemment. Mais ce qui est le fun, c'est qu'une cafetière que tu peux programmer l'heure, c'est plate parce que ça va tout le temps à la même heure. T'es pas tout le temps prêt nécessairement à boire ton café à la même heure, tu sais. Quelque chose du genre. Surtout pour quelque chose comme ça, un espresso qui doit être à sa meilleure saveur dès qu'il est servi et après ça, là, ça commence à perdre la saveur. Tu gardes ça sur un frais chaud. Ouais, mais t'imagines-tu quel prix ça peut valoir? Et Colin, ça peut valoir cher et non seulement ça peut valoir cher, mais vu que c'est un produit qui est comme custom, genre qu'il faut qu'il te fasse. C'est fait sur mesure. Il faut que tu le demandes le prix. Puis il faut que tu fasses un comptoir après. Là. Probablement. Probablement. Ouais. Mais quand même, l'idée est super bonne. Dans le futur, ça pourrait être une cafetière à part entière, genre debout sur ton comptoir avec un petit robinet puis ta tasse là. Peut-être. Tu vas pouvoir le contrôler par iPhone. Ça serait bien. Pas intégré dans le comptoir nécessairement. Hein. Non, c'est ça là. On dirait une buvette, tu sais, genre que tu vas te mettre en dessous, mais tu vas faire couler le café dans ta bouche. Ah, oui, ben en fait, l'image me fait penser à un robinet. Juste ça, oui. Un robinet, mais pas de lavabo. Non. Pas de. Et pas de robinet en tant que tel. Non, c'est ça. Mais non. Mais tu peux aussi avoir une chose pour faire du jus. Okay. Donc vraiment, il y a des tuyaux. Tu peux t'en servir pour faire du jus. Oui, et c'est auto-nettoyant en plus. Donc, il y a des tuyaux, OK? Parce que ça, c'est un gros système. Les tuyaux, parce que vu que tout est automatisé, t'as pas à faire toi-même ton propre café dedans, t'as pas à mettre ta propre quantité de lait. Tout est automatisé par des tuyaux qui vont mener vers des gros contenants à lait et à ci et à ça. Donc, à chaque jour, il va faire un processus de nettoyage d'une minute. Et pour ceux qui font beaucoup, beaucoup de café, par exemple, si tu installes ça dans un bar, il va y avoir un gros nettoyage que tu peux faire aussi une fois par jour, par semaine. En finissant ton shift. Et voilà, donc non, vraiment, l'idée est plus pour peut-être pour les restaurants, j'imagine, mais je trouve ça génial quand même. T'as un party, François, une grosse fête, une fiesta, une boum. Une boum. Et tu veux faire jouer de la musique, mais tout le monde a de la musique différente dans tes amis. Donc pourquoi ne pas acheter le Bose IQ Dock avec 5 prises à iPhone, iPod et différents trucs comme ça. Et tu branches les 5 ou moins iPod et ça va te montrer la liste en bas de ce qu'il va jouer plus tard. C'est du random. C'est cool, hein? Vraiment cool. Donc, pour l'instant, ce n'est qu'un concept, donc on ne sait pas quand ça va être achetable. Voilà. Touchscreen et tout après ça. Magical Blow-On Enough Light Switch. Vous pouvez peut-être deviner par le titre qu'est-ce que c'est. C'est que tu vas allumer la lumière, mais tu es trop paresseux pour faire le... du clapper des années 90. On se rappelle tous de ça. À la place, tu souffles sur ta lumière. Pas sur la lumière, mais sur le bouton de la lumière. Mais par contre, c'est pas une lumière qu'on installe dans le mur là, comme un bouton de lumière on-off que tu aurais sur un mur. À la place, c'est comme un genre de cadre donc, que tu mets sur ton bureau et tu branches un appareil dedans. Donc, tu branches, mettons, ta lampe dans le petit cadre qui ressemble à un bouton de lumière. Et là, tu souffles dessus pour éteindre. Ou tu pourrais l'installer à côté de ton lit sur ta table de chevet. Tu souffles dessus, ça ferme. Je sais pas si ça fonctionne mieux. Je sais pas non plus, mais je trouve ça cool quand même. Moi, j'aime mieux le sport clapper. T'as mis le... Taper ça s'allume, taper ça attends, s'allume. Attends, ok, fais des clap-clap, ok, attention. Ok, clap-moi ça. Hey, t'as éteint le fond! Ça marche. Rallume le fond. Wow. Yeah! Hein, tu vois, ça fonctionne beaucoup mieux que... Parce qu'il y a rien qui se passe. Ben là... Oh! Ah, il est en retard un peu. Il est en retard un peu. C'est de la magie! De la magie. Magie! Et un dernier, c'est pour fermer tes sacs de croustilles, mais sans avoir à utiliser une pince. Ben, c'est pour le receller. Le receller, ouais. Exactement, avec de la chaleur. Donc c'est le iTouchless Bag Receller. Ben ça, tu l'as déjà vu. Mais pas en petite main, mais portable et en aimant que tu peux mettre sur ton frigidaire. Elle regarde à l'épicerie. Pour vrai? Ah ouais. Non, t'as dit. Tu peux receller et c'est mettable en aimant sur le réfrigérateur. T'as dit. Arrête-moi ça, t'as c'est génial. Mais si celui-là vous intéresse avec les couleurs et la façon de présentation, là, ça prend 3 secondes environ à réchauffer et puis ça ferme votre sac pour une fraîcheur maximale. C'est le High Touchless Bag Resealer. Mais si y a ça à l'épicerie, là, faut que tu me dises laquelle puis m'envoie le 9 à soir. Écoute, je me mets là-dessus la semaine prochaine sur VX. Défi. En espérant que tu l'oublies. Ouais, mec. Fais-moi donc confiance. Fais-moi confiance. 8h. En ce moment, Assemblage Requis, on reçoit Simon Fitzbé juste après la pause, alors reste avec nous. Ah, ça va être son top de l'année 2011. Oui. Vous êtes assez fou. L'écouter. 89.1. Deuxième heure d'assemblage requis en ce jeudi 15 décembre 2011. François-Louis Marchand. Mathieu Plante. Oui, inversement proportionnel parce que lui, c'est François, moi, c'est Mathieu. Ouais. On a chacun le nom de l'autre. Oui, ça ressemble à ça. Pour ceux qui ne comprennent pas, là. Ouais. Je ne veux pas me faire une mauvaise réputation, donc c'est vrai. C'était une blague. Mathieu Plante. Ben oui, je sais bien. Donc, deuxième heure qui débute avec la musique de Bruce Peninsula, juste parce que je sais que tu l'aimes bien, puis je l'aime bien aussi. Sur l'album Open Flames, voici Chupacabra. 89 FM, c'est Assemblage Requis. Et tantôt, Simon Fitzbé, palmarès de l'année 2011. Et vers les 8h30, François Landry nous parle de politique. Oui. Caca des culs. Caca des culs. Allez, cul, cac. Ouais. Not a fitful dream. Galaxy et la pièce Piste 1 à Assemblage Requis. Maintenant, on reçoit Simon Fitzbé et voici Phénomène. Un papillon qui vole, Simon, quand ouais, je termine comme ça. Le matin, quand j'entends mon thème, là, ça... Ça vient te chercher? Oui, ça vient me chercher. Ça me fait tout plein de plaisir en dedans. Il faut que j'exprime ça par la danse des mains. Ouais, la danse des mains, c'est ouais. Comme ça qu'on appelle ça. L'art ancien de la danse des mains. Ça fait plaisir. Oui, tout à fait. Donc, Simon Fitzbé, aujourd'hui, on disait tu sors de ta zone de confort un petit peu dans le sens qu'on te connaît surtout pour tes choix musicaux, si on veut, du passé. C'est rétro. C'est pas négatif, mais c'est de la vieille musique, mettons. Ouais, les affaires. Ouais. On dit pas ça comme c'est une mauvaise affaire. C'est juste. Mais t'étudies en histoire aussi. Ça, exactement. Donc, je vis dans le passé constamment. Voilà. On t'appelle l'historien de C'est fou. Oui, entre autres. Ouais. Voilà. On t'appelle aussi Simon Fitzbé. Ça arrive. C'est bien quand même de. Mais. Aujourd'hui, donc, tu reviens un petit peu plus dans le présent avec ton top de l'année 2011. Oui, mais en fait, c'est ça, justement, je veux montrer aux gens que je suis aussi capable d'écouter de la musique récente, de la musique actuelle qui vient à peine de sortir, en fait, pour la plupart. J'ai décidé de vous faire un petit top 5 de mes albums préférés de l'année, ceux que j'ai écoutés, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup qu'on va voir dans la catégorie mention honorable, qui est album que j'ai peut-être pas écouté au complet, mais que j'ai quand même trouvé bon. Bref, on débute à la cinquième position avec King of Limbs de Radiohead. Beaucoup de gens n'ont pas aimé cet album qui est paru un peu plus tôt cette année, en fait, qui est sorti le 18 février 2011 en téléchargement en ligne et qui est sorti sur album le 9 mai 2011. En fait, on disait que cet album-là était très court. En fait, c'est 37 minutes 24. On disait aussi que c'était peut-être un petit peu trop électronique, qu'il y avait de moins en moins de Radiohead dans Radiohead. Bien, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est très innovateur comme album. C'est très intéressant. C'est une bonne suite à leur album In Rainbows qu'ils avaient lancé en 2008. Je trouve que c'est quand même assez intéressant comme musique. C'est vrai que c'est assez électro, quand même assez très, très minimaliste également comme musique, mais justement, c'est Radiohead, quoi de mieux dans le fond pour ce groupe-là que de toujours innover. Et on sait qu'ils vont chercher dans des éléments dans la musique qui a déjà été fait ailleurs, mais c'est justement un groupe aussi populaire qui réussit à emmener cette musique-là, la musique ambiante, la musique électronique et encore quelques éléments de rock, bien sûr, emmener ça au grand public, mais c'est quand même intéressant. En quatrième position, album que j'ai adoré, que j'ai fait tourner et tourner et tourner dans mon lecteur MP3 et dans mon téléphone, c'était incroyable, c'est Feist avec son album Metals qui est paru celui-ci à l'automne, en fait, qui a été lancé en octobre 2011, bref, au début du mois d'octobre. C'est quand même récent. Ouais, quand même très très récent, mais qui vaut vraiment vraiment la peine, et j'ai adoré, bref, cet album du début à la fin, mais la pièce avec laquelle j'ai eu le plus de plaisir, c'est celle qu'on va aller entendre d'ailleurs, qui est Graveyard, la seconde pièce de cet album. Sails past, and what as I see. Feist avec Graveyard, donc, qui se retrouve sur son album qu'elle a lancé en octobre 2011. Excellent album, Metals, qui était à la quatrième position de mes cinq albums préférés de l'année. Excellente idée cadeau aussi. Oui, tu sais, oui, des fois, on ne sait pas. Ouais. Je pense que c'est une musique quand même qui est accessible. Ouais. Et puis, c'est rien de comparable à la pop là, qu'on connaît. Oui, exactement. Ouais. Ou, on dira pas les qualificatifs qu'on pense. Non, non. Pop, là. On va en parler la semaine prochaine. Ah, ça. Cool. J'ai hâte. Oui, il y aura pas d'extrait, j'espère, la semaine prochaine. Peut-être. Ah, oui. J'arrangerai de quoi. Okay. Mais oui, donc, album qui a été lancé en octobre 2011, Metals, qui se retrouve en fait même pas cher en plus chez les disquaires. Là. La non. version CD est quand même assez abordable. Mais si vous avez un budget, vous pouvez le mettre sur un iPod mm-hmm. classique mm-hmm. et donner ça Feist avec un iPod. Ouais. Un cadeau. Oui, ouais. ça fait un gros cadeau. C'est un gros cadeau. Classique, mais ça fait plaisir. Oui, oh que oui, oh que oui. On continue en troisième position, en fait, avec Beyrouth, qui a lancé l'album The Riptide cet été. En fait, je me rappelle, je venais faire mes chroniques à la croisière d'Assemblage Requis et oui. Marie-Pierre Laforge-Bourret disait mmh. attendre cet album avec beaucoup, beaucoup... de plaisir d'impatience. Et d'impatience. Mmh. Oui, voilà. Et c'est un album qui a été disponible sur Internet avant même sa lancée sur version physique et non pas disponible au piratage. Mais on pouvait l'acheter quelques semaines avant. On pouvait même l'écouter en intégralité sur le site de Pitchfork. Cet album-là est excellent. J'aime bien. D'ailleurs, la toute première pièce qui m'a vraiment ravi, où on entend bien sûr des cuivres. Derrière ça, il y a trompette, trombone et tout. Mais également, je suis pas le seul à avoir aimé ça parce que l'album a été jusqu'à la position 80 du Billboard 200 et dans la musique indie, musique actuelle, alternative, c'est quand même assez rare. C'est un album qui mérite d'être réentendu aussi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dernièrement parce que j'avais écouté cet été et j'avais un peu laissé de côté et parfois ça peut valoir la peine. Donc, album de Riptide de Beyrouth qui était franchement intéressant et rafraîchissant également à découvrir parce qu'en plus, Beyrouth, je connaissais pas avant cet album-là et ça m'a donné le goût d'aller entendre ce qu'ils avaient fait auparavant. Également, on continue en position numéro 2 de mon top 5 des meilleurs albums de l'année. Là, c'est un ex aequo. J'ai pas réussi à décider lequel que j'aimais mieux au top 2 et je trouvais qu'à la position 3, ça faisait pas non plus pour aucun des deux. Il s'agit tout d'abord de Bon Hiver, album homonyme, donc lancé également cette année, qui a été lancé au mois de juin, malgré que c'est Bon Hiver. Hein, c'est bizarre. Ouais, hein? Et également Helplessness Blues de Fleet Foxes, qui a été lancé, lui, en mai 2011, albums que j'ai adoré, que j'ai eu du mal à écouter par contre au début. J'ai fait une écoute rapide. J'ai écouté l'album et. C'est sûr qu'en fast forward, c'est ça. Ouais. Non, mais j'ai écouté l'album. Je l'ai mis de côté par contre parce que je m'attendais à quelque chose d'identique à ce qu'il avait fait sur leur premier album de 2008, leur premier opus. Et c'était quand même assez différent. Par contre, j'ai repris dernièrement, en fait, dans les derniers mois, et j'ai redécouvert complètement cet album qui me fait triper ben raide de Fleet Foxes. J'adore Fleet Foxes en partant. Ouais. C'est un album qui a pris quand même du temps à faire. En plus, il aurait été prêt, c'est-à-dire à la fin 2009, mais Ryan Pecknold, qui est le créateur derrière tout ça, n'était pas satisfait de la musique, et donc ils ont tout recommencé à zéro. Ça a valu la peine, ça a donné un excellent album. Et Bon Hiver, pour lui, bon, c'est un album excellent également, qui est très, très influencé par la rock pop des années 80. Ça s'entend partout dans cette musique-là. Album donc que je conseille à tout le monde. Ça fait un très, très beau cadeau, surtout pour les gens qui connaissent pas Bon Hiver, qui voudraient commencer avec un album. C'est un bon album pour commencer. En fait, il y a seulement deux disques du groupe, deux albums complets. Et il y a également Forever Ago, qui est un excellent album aussi. On va aller entendre, en fait, le premier single qui a été lancé de cet album-là, qui est Calgary, qui est vraiment excellent. Et justement, ça nous rappelle les années 80. Is an open end. wake up to a star but bright, who goes in and stays inside. Oh, the demons come, they can't subside. Oui, donc c'était Bon Hiver avec la pièce Calgary qui a été le premier simple de cet album homonyme lancé au mois de juin de cette année et c'était vraiment excellent. J'ai adoré cet album-là. Au début, j'étais pas sûr avec le premier extrait Calgary. C'était comment dire, ben, spécial, non? Ouais, mais ça me rappelait beaucoup la musique des années 80, qui est pas une musique que j'ai vraiment appréciée. Mais par contre. À force d'écouter et tout, j'ai trouvé que c'est vraiment excellent. Et le groupe a réussi à nous faire sentir de l'émotion, en fait. On a vraiment un genre d'émotion quand on écoute ça, de nostalgie. Et c'est assez intéressant. Ça nous rend nostalgique d'une musique qu'on n'a pas nécessairement connue. Non, ça, c'était et pas tellement là. En tout cas, pas présent dans... Ben, pas présent d'esprit, disons, dans les années 80. Assez, je suis pas comme François Landry, j'ai pas vraiment vécu les années 80 dans leur plein... Ben, c'est New ça. Wave parce tout, que d'habitude, dans les années 80, nous, je pense qu'on trippait plus sur Passepartout et. Ouais, genre. Comme ça, que de la musique. Les albums qu'on avait, c'est les albums de François Pérusse, des trucs comme c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ouais. Mais quand même, donc, ça me rappelle beaucoup, en fait, Peter Gabriel, les albums qu'il a lancés au début des années 80, qui étaient un petit peu assez innovateurs, en fait, selon certains et selon d'autres, pas du tout, mais bref. On passera là-dessus. C'est ça. On va leur passer dessus. Hein? Et avant de terminer ce top 5 en fait des meilleurs albums, je voudrais vous parler de mes mentions honorables, ceux qui se retrouvent pas là-dedans pour une raison ou une autre. Et on débute avec un artiste que j'ai quand même trouvé intéressant. C'est un bon album également. Très bien coté sur Pitchfork, entre autres. C'est Tim Hacker avec l'album Rave Death 1972. 1972, où on voit une photo de gens qui garochent un piano par dessus un toit. C'est quand même assez intéressant. C'est une musique qui est très, très ambiante, qui est une musique très drone, où on retrouve des sons de synthétiseurs quand même assez intéressants. C'est une musique, comme je disais, qui est ambiante, qui n'est pas nécessairement un style que j'apprécie vraiment beaucoup, beaucoup. Mais Tim Hacker, c'est assez intéressant. Il y a eu déjà un album de remix qui a été fait avec ça. Le nom m'échappe, mais c'est quand même très, très intéressant à découvrir. Si vous cherchez de la musique, écoutez dans le temps des fêtes, de la musique calme, ou pour étudier même, Playmaker, ouais. Avec Rave Death. 10-12, mettons, tu mets ça au 10-12. Ouais, ouais, ça, ça pourrait fonctionner. Ça a été pas pire. Ouais, ouais. 10-12 fonctionnait bien hier. Ouais, c'est hier. Ça, c'est tant mieux. Ça. Ouais, oh, ouais, ouais. Félicitations à ceux qui l'ont organisé. On parle de l'événement étude 10-12, pas d'alcool et café pas cher, ouais. Il y a également PG Harvey avec l'album Let England Shakes, qui est en fait le grand retour de PG Harvey à la musique, si on veut. Elle n'avait pas lancé d'album depuis plusieurs années et c'est un retour réussi, en fait. C'est un album, en fait, qui se retrouve pas dans mon top 5 parce que je l'ai découvert très tôt pendant l'année. J'ai arrêté de l'écouter éventuellement. Je me tanne rapidement de certains albums. Celui-là était intéressant par contre. Et si on aime la musique indie, la musique rock, PG Harvey est là pour nous. Pour rappeler qu'on plaisir. Aime ça, ouais, ouais, oui. Pour faire plaisir à une très très belle voix en plus. Ouais. Du côté francophone, il y a deux albums qui m'ont vraiment marqué cette année. Vous dire qu'il n'y a pas eu de grands. C'était dur cette année. Ouais, hein, tu sais, Carquois ouais. Sorti l'année passée. Là, Yann Perrault est en train de préparer son album. Également Dumas qui doit préparer cinq albums en même temps. Ouais. ça a été quand même calme, mais quand même mentionnons tout premier album de Mauve, Cinéma Plymouth, qui a été lancé il n'y a pas si longtemps que ça, je crois cet automne. Qui devrait se retrouver dans nos palmarès. Il est là, avec la pièce Annie Hall que je capote sur cette pièce-là. Sérieusement, elle est tellement bonne. Et si t'aimes ça, écoute la pièce Camille qui termine l'album. Parfait. Aussi, qui est vraiment génial. C'est un groupe influencé des Beach Boys, oui. Qui sont capables de faire de très belles harmonies vocales. Pas encore très connus. Et d'ailleurs, je leur ai demandé via Facebook s'ils venaient à Trois-Rivières. Ils ont dit en 2012, ils devraient venir faire un show. Très intéressant. Cet album-là ferait justement un très beau cadeau de Noël, oui. Aussi. Et je pense qu'en plus, c'est pas disponible en vinyle par contre, c'est disponible en CD seulement. Mais ça vaut la peine. Également Galaxy avec Tigre et Diesel, oui. On peut pas passer à côté de cet album-là. Ne serait-ce que pour Piste 1 qui est écœurante, elle me fait vraiment. Succès dès la première écoute, ça, c'était évident. Oui, effectivement. Ouais, Diesel aussi qui est une bonne pièce. Et je pense à ça, là, bien vite. Il y a encore Shanghai aussi une bonne pièce. Shanghai. Oui, oui, effectivement. C'est un album qui est quand même très, très intéressant, oui. Que j'ai aimé découvrir. Très bon. Également, on on a aussi rapidement Gil Scott-Heron et Jimmy XX. En fait, Gil Scott-Heron, qui est un rappeur avant son temps, qui lui faisait du spoken word dans les années 1970, puis il a fait aussi également du R&B. Et il a fait un album en 2010 plutôt, qui s'appelait I'm New Here. Et là, Jimmy XX a remixé tout ça et ça s'appelle We're New Here. On a des beats très disco, non pas très disco, mais plutôt très électro en arrière de Gil Scott-Heron qui parle de son passé, de sa vie. Et Gil Scott-Heron est décédé également, je crois que c'était au printemps, donc c'est quand même intéressant à entendre, c'est un peu comme son dernier album, son dernier opus. Également, il y a John Mouse qui est avec l'album We Must Become, The Pitiless Censor of Ourselves, qui est un album que j'ai pas eu vraiment le temps d'écouter, et John Mouse, je le connais pas beaucoup non plus, mais c'était quand même intéressant. Et je terminerai aussi avec Girls, qui ont lancé Son, Father and Holy Ghost cette année, qui est un très bon album, mais je trouve qu'on copie trop les Beach Boys dans certaines pièces et d'autres groupes pour que ça se retrouve dans un top 5 de meilleurs albums. Et finalement, la numéro 1, mon album préféré de l'année, celui vraiment qui m'a fait triper et lever le poil sur les bras, c'est Wilco, qui a lancé The Whole Love cette année, qui est vraiment un album excellent, excellent. J'ai adoré, je l'ai écouté non-stop et je continue encore à l'écouter sans me tanner. La dernière pièce, One Sunday Morning, qui est vraiment géniale, que j'aurais aimé vous présenter, mais qui dure 12 minutes. C'est long. Mais une autre fois, c'est long. On la prend en note parce que Wilco, c'est sur le palmarès en ce moment. Ça vaut vraiment la peine de découvrir cet album-là. Et un autre extrait à mettre. Ouais, la pièce One Sunday Morning est vraiment géniale. En fait, il y a eu 3-4 éditions de cet album-là, mais j'ai la version vinyle à la maison, c'est que j'ai deux pièces de plus. Il y a également la version CD Deluxe, il y en a 4 de plus. Achetez la version CD avec les 4 pièces, au pire, si vous n'avez pas de tape tournante, ça vaut la peine. C'est un excellent album, très bien réalisé. Wilco qui est revenu en force avec l'album The Whole Love. Et la dernière pièce, en fait, s'appelle Ghost... je ne me rappelle même plus du nom de la pièce. Comment tu... Black Moon? Black Moon, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Dernière pièce qu'on va vous présenter, qui est la pièce la plus courte de l'album, parce qu'ils sont quand même assez longues et je voulais avoir de quoi de Wilco à présenter. Parfait, mais on écoute ça dans la chronique Phénomène. Simon Fitt. Right, about the morning, okay, I'm an old shoe, danced above the blade. Stopped crawling over the black dunes. Et donc, c'est Wilco avec la pièce Black Moon qui se retrouve sur cet album de Whole Love qui a été lancé cet automne. qui a été lancé, je crois, en septembre ou octobre de cette année. Pour les gens qui aiment la musique alternative, la musique folk, il y a également un peu de guitare électrique dans cet album. Ça vaut vraiment la peine. Il faut absolument découvrir Wilco. Vous pouvez le découvrir avec cet album-là parce que c'est tout ce qu'ils ont fait, c'est bon. Ouais. Voilà. Bon, voilà, donc on a une bonne liste de choses à écouter. Oui, merci, oui. Simon. Merci. Des idées cadeaux, en plus. Oui, c'est les albums que j'ai le plus aimés cette année. Et la semaine prochaine, ça va être les pires albums de l'année. OK. Ça va être très intéressant. Ça va être bon, hein? Oui, il y en a qui vont ressortir en pleurant. Oh. Tous mes préférés, mes prefs, comme dirait l'autre, mes prefs. Simon, on te retrouve à ton émission Catalepsie lundi soir à 20h. Oui. Est-ce que ça a encore lieu, c'est ta dernière cette semaine? C'est une très bonne question. Je suis en train de me demander si je vais venir le 19 décembre. Oui, probablement. Bon. On va essayer de parler de Noël, en fait, mais il faut juste que je trouve assez de musique pour que ça aille l'allure pendant 2 heures. C'est François Landry a de l'air convaincu. Bing Crosby, là. Elvis. Oui, c'est vrai que les classiques, ça ferait du bien les dépoussiérer un peu, mais... En tout cas, on en reparlera. Bon, donc, pile ou face, on verra, c'est l'émission lundi entre 20h et 22h. Ça rejoue mercredi à 14h. Et il y a aussi album classique. Ça, c'est confirmé, c'est sûr? C'est la dernière, en fait, cette semaine. Demain. Puisque on s'en retrouverait le 23 décembre, sinon. Et... OK, parfait. Donc, ça va être un album de Noël, en plus, demain. Oh, ouais? Ouais, l'album de Phil Spector, qui est Christmas Gift for You from Phil Spector, qui est vraiment excellent. Avant que Phil Spector devienne un meurtrier condamné à la prison à vie. Ah! Oui, ça fait l'objet d'une chronique, ça, à un moment donné, c'est-tu, non? Oui, voilà. On en a parlé. Une de tes nombreuses chroniques, donc à un moment donné, je vais le lire. Donc, album classique, c'est demain, vendredi à 10h, et puis ça repasse aussi, ça, les samedis à 17h et les mardis à 14h. Mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Et ta chronique, les éphémérides du rock dans Rock Classique, ça commence à 11h. Effectivement. Le vendredi aussi. Oui. 11h à midi. Midi, 30, 40, dépendant des semaines. Ouais. Donc, Simon Fédibé, merci. Merci beaucoup. Messieurs. Alors, on se retrouve tantôt, évidemment, avec la chronique de François Landry. Mais pour l'instant, on prend une petite pause. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89. Oh. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. François-Olivier, Mathieu Plante, assemblage requis en pièces détachées. 8h43, assemblage requis. Fin d'émission approche, mais avant ça... Fini mes chroniques de plus en plus tard. Je suis désolé, François. Ça va, ça va, ça va. Écoute, j'ai la mémoire longue. Ça veut dire quoi, ça? Qu'il va devoir se raser la barbe bientôt. Ah, oh boy. Hey, on se lance des défis comme ça en ongles, là. François, son défi avec toi, là... Ça marche plus, Mathieu. C'est vrai? On a essayé, c'est le feu. Angélie Durocher, ça ne laissera pas pousser le poil. Non, elle a choqué. Mais voyons donc, c'est dans mes poches, ça. On peut en faire un autre en boys ici, là. Parfait. Ouais, mais on va y réfléchir. Non! Bon, donc ta chronique Logo Classique 101 commence et on a un thème particulier aujourd'hui. Attention. Et oui, wow. La fameuse marche nuptiale afin de célébrer le mariage avec Madame ADQ et Monsieur Coalition. Ils peuvent vous embrasser. Ils peuvent s'embrasser et être fidèles pour les années à venir. C'est ça la question, c'est plus combien de temps? À savoir qui va tromper qui ou qui va vraiment absorber l'autre. Oui, c'est la question qui tue les... Qui brûle les lèvres de chaque journaliste. Combien de temps ça va durer, cette union-là, avant qu'il y en ait un des deux qui disparaisse? Mais on s'entend que plus un que l'autre va disparaître. Ouais, parce qu'on sait c'est qui. On sait c'est qui, on n'est pas prêt à gager un petit 5 là-dessus. Mais oui, donc l'ADQ cette semaine qui a été avalée tout rond par la coalition Avenir Québec. Je dis avalée parce que c'est vraiment... Ce qui est arrivé, c'est pas une fusion en tant que telle, c'est on se s'aborde sans le mot avant de disparaître carrément. Parce que on a su qu'à l'ADQ, on croyait qu'il y avait 13 000 membres. On croyait que c'était un parti fort, que c'était un parti... Écoute, il était dans 10% dans les sondages, ce qui est quand même honorable au Québec. 13 000 membres, c'est beaucoup quand on considère les autres partis qui ont juste 2-3 fois plus de membres. Mais non. C'était pas le cas du tout. En réalité, l'ADQ a seulement 2521 membres. Et c'est désastreux. Mais pourquoi d'abord on croyait qu'il y avait 13 000 membres? Les chiffres, habituellement, c'est secret. Okay. Et le dernier chiffre qu'on avait, c'était à la course à la direction en 2009. Il fallait savoir combien de membres il y avait. Il y avait 13 000 membres en 2009. Okay. Mais depuis que les Gérard gens Deltel... pour renouveler. Pas tout. C'était le désastre économique. Gérard n'a pas de fans. Hein? Non, même sa page Facebook, je pense qu'il n'y a même pas 1000 membres. C'est un des politiciens les moins populaires sur les médias sociaux. Contrairement à Amir Kadir qui approche, lui, le 13 000 fans sur sa page. Il y a 50 fans sur Facebook. 50? Okay. C'est vrai? Oh, oui. Je suis là-dessus. Là. Ben, pour moi, je ne suis même pas membre. Mais oui, donc, 2500 membres à l'ADQ. En comparaison, juste pour vous donner une grandeur, à Québec solidaire, c'est 7500 membres. Au Parti libéral, c'est 60 000 membres, mais entre guillemets. Et je vais vous expliquer. Pourquoi? Au Parti québécois, 90 000 membres, entre guillemets. Vu que c'est qu'on compte les bras et les jambes, non? Non, vu que c'est secret, on peut pas savoir combien qu'ils ont de membres, à moins qu'ils nous le disent. Mais là, 60 000, 90 000, on s'entend qu'il y a du mise en marché là-dedans. Mm-hmm. Si on prend les revenus dans les rapports annuels, les revenus via les cotisations aux membres, on divise par 5 $, puis c'est une carte de banque qui coûte 5 $. Donc, on arrive au Parti libéral à 44 000 membres et au Parti québécois à 52 000 membres. C'est beaucoup plus réaliste. Beaucoup plus réaliste. Et à Option nationale, pour ceux qui aiment rire, 835 membres. 835? Ils étaient tous au show de Guillaume Wagner vendredi passé. Ah, c'était un grand succès. Il y avait beaucoup de jeunes. Ouais. Pas beaucoup de vieux. Donc, avec ce mariage consommé, l'ADQ apporte une dot non négligeable dans ce mariage, c'est-à-dire une présence immédiate dès la rentrée du 14 février prochain à l'Assemblée nationale. 4 députés qui sont rompus aux pratiques parlementaires, donc qui sont des fins connaisseurs de la structure, de la mécanique parlementaire, et qui sont très efficaces. Juste à penser à Sylvie Roy, qui est une bête. À l'ADQ, c'est la bête, c'est la lionne de l'ADQ. Les autres font quatre figures à côté, mais quand même, ils ont une expérience politique. Ils ont une base organisationnelle sur le terrain pour ce qui en reste, parce qu'à 2500 membres, juste en Mauricie, ici, il ne reste que le caucus Mauricie d'existant. Les caucus de circonscription sont totalement absents. Ils ont un caucus, habituellement, c'est 3-4 personnes dans un salon un dimanche matin, après la messe de 10h, là, qui discutent politique. Mais 3-4 personnes dans un salon, c'est rendu à peu près les assemblées générales de l'ADQ, l'assemblée annuelle. Là, c'est... Oui. Là, il n'y en aura plus. Non. En théorie, c'est pas encore fait. C'est pas encore le mariage n'est pas consommé. Les vœux sont prononcés, mais la nuit de noces n'a pas encore eu lieu. Habituellement, c'est le soir même. Sauf que là, on va devoir attendre jusqu'à la fin janvier. Fait que pendant ils sont gênés un peu. Ils font lit à part, chambre à part. Puis le 21 janvier prochain, ça devrait y aller au toast et puis peut-être même enfanter quelques petits députés. Oh! Oh, que oui. La nouvelle alliance va aussi s'ajouter 4 autres parlementaires la semaine prochaine. Éric Kerr, qui est indépendant, Marc Picard, indépendant, tous deux qui ont démissionné de l'ADQ à l'époque. Ouais. Daniel Ratté et Benoît Charrette, deux péquistes défroqués, qui vont rallier la CAQ nouvellement créée de par la fusion. Donc, la CAQ aura 8 députés en chambre. Mais, c'est pas tout à fait assuré. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale va reconnaître le parti à l'Assemblée nationale? Parce que la règle est très claire, je l'ai déjà mentionné ici, je la répète, ça prend 12 députés et 20% des voix ou plus pour être reconnu comme un parti politique à l'Assemblée nationale. Donc, être reconnu, c'est les budgets qui viennent avec, le temps de parole qui vient avec, pas juste en période de questions, mais dans les commissions aussi. Est-ce que le président va dire « OK, on vous reconnaît, peut-être. » Mais l'autre règle, c'est on doit avoir ça par une élection générale. Parce que Daniel Ratté, Benoît Charrette et les 6 autres membres, Marc Picard et Éric Kerr et les 4 aléquistes, n'auront pas été élus sous la bannière caquiste. Seuls 4 ont été élus sous la bannière adéquiste qui ont fusionné avec la CAQ. Donc, les 4 pour être reconnus, mais pas les 4 autres. Mm-hmm. Donc, la problématique est là. Est-ce que le président de l'Assemblée, Jacques Chagnon, va créer un précédent? Parce que ça serait la première fois que ça se fait pendant la Chambre. La dernière fois, c'était... Ça serait surprenant. Il pourrait y avoir des sous-règles, des sous-articles pour dire, finalement, on constate votre existence, mais... Il pourrait jouer avec les règles de même. On sait que c'est très élastique, les règles en politique. C'était comme quand le PQ s'était retrouvé troisième parti en importance. Là, il était devenu le second parti d'opposition, alors que normalement, tu as un parti d'opposition puis un autre parti. Ils ont créé le terme de deuxième opposition. Et quand l'ADQ, en 2008, s'est fait barouetter grandement, il est passé de 42 à 6, exactement. Donc, ils ont demandé à être reconnus officiellement comme un parti, ce qu'ils avaient autorisé pour le cas présent pour l'ADQ là. Mm-hmm. Donc, c'est, on ne peut pas avoir une jurisprudence pour ça. Et donc, si, mettons, on prend pour acquis qu'il y a 8 membres. La CAQ va prendre 2 ADQistes pour son caucus et le GO va choisir les autres. Parce que le GO, c'est comme le Palpatine, il va contrôler l'empire caquiste, si on peut dire. Donc, François Legault conserve le dernier mot sur le choix des candidats aussi aux élections. L'ADQ va lui proposer une liste de candidats et Legault va analyser la liste et va aussi observer les 800 CV qu'il a reçus. Il y a 125 postes de députés au Québec. On s'entend? Y'a-tu le tien là-dedans? Je veux pas le dire. Ça aurait été bon, hein? Le gag aurait été bon. Mais je suis pas sûr que même il aurait ouvert mon CV. Non, c'est ça. Non. Écoute, il y aurait eu de l'anthrax dessus. Mais bon, qu'est-ce qui arrive avec Gérard Deltel? On s'en inquiète parce que là, avec la fusion, écoute, c'est François Legault, je le disais, le Palpatine de l'Empire. Mais il s'est assuré un bon poste, je pense. Ouais. Non? On verra pour la suite. On verra, hein, c'est le slogan, on verra. Parce que Gérard Deltel va donc n'est plus chef de parti, il va devenir chef parlementaire et ainsi il perd 30 000 $ de revenus. Ouais, mais. Ouais. Non, c'est assez. Mais il va le réavoir. J'espère pour lui, pour petit, il fait pitié, là. Non, mais tu sais, il est pas fou non plus, là. On passe à un autre sujet. Ouais. Sylvie Roy va devenir leader parlementaire, donc il fait très bien sa job. Il y a une différence entre chef parlementaire et leader parlementaire. Leader, c'est celui qui gouverne en chambre, c'est le garde du corps du parti, c'est le comme Stéphane Bédard pour le Parti québécois, c'est lui qui va battre. Jean-Marc Fournier pour le Parti libéral, c'est lui qui va battre, défendre son chef. On les voit souvent, c'est la tête, c'est lui qui fait appel aux décisions du président, c'est lui qui gueule fort. Et François Bernardel va être le représentant du caucus au sein de l'exécutif. Donc, dans les élus, c'est lui qui va parler à l'exécutif parce que c'est deux branches distinctes. Donc, il y a juste Janvier Grondin que lui, on ne sait pas ce qui arrive avec lui. C'est Janvier Grondin, lui, il était contre la fusion au départ. Hein? Bon, là, il a dit oui. Il a fait comme Mario Dumont, il a changé son fusil d'épaule. Ouais, Mario, j'ai été déçu de lui. On en a parlé, Simon et moi, entre deux micros. Entre deux urinoirs, sur le moment. Oui, Mario Dumont, un jour, il compte, il fustige les gens contre la fusion, puis le lendemain, wow, good job, gang. Ah ouais, pour vrai? Ouais, il avait dit sur les ondes d'une radio concurrente, celle à laquelle il participe, en fait, il a dit, il y aura pas assez de monde d'église s'il y a une fusion, à tel point je vais sacrer. Et lorsque la fusion a eu lieu, il est allé dire, il dit, c'est une bonne chose, c'est normal. Il dit, si vous êtes des gens de droite, vous continuez... En fait, vous êtes déçus, continuez à chialer ou formez-vous un parti qui va avoir 2-3%, sinon, restez sur le trottoir. C'est assez ordinaire. Là. Mais comment tu veux changer d'opinion comme ça? Quand tu te fais briefer par les gens du parti que tu as fondé, quelque chose genre, on présume. Là, ouais. Présume. On n'accuse personne. Non. Mais bon. Il a dit oui, Mario Dumont, j'ai écouté finalement l'entrevue à la télé hier à son émission où il a fait un grand speech d'une trentaine de minutes pour dire finalement que les ADQistes d'aujourd'hui font ce qu'ils veulent avec le parti. C'est une page de l'histoire qui se tourne, c'est tout. Des forces de changement au Québec, on en trouve si peu. Quand on retranche ceux qui ne peuvent pas parler parce qu'ils dépendent du gouvernement, si on divise en deux le groupe qui reste, on n'arrive à rien, observe Mario Dumont. Les deux groupes n'avaient pas le choix de se réunir. Donc, mm-hmm. C'est le message très langue de bois du chef quasi-fondateur de l'ADQ, le chef emblématique de l'ADQ, qui a démissionné parce qu'il a mangé une volée en 2008. Mais pour la CAQ, petite question comme ça, est-ce que c'est une bonne chose? On va en parler, là, j'arrive okay. À ça, à savoir si c'est okay. Une bonne chose, oui ou non. Parce que moi, j'ai des doutes. On verra à la fin, on conclura avec ça. La CAQ hérite de la dette de l'ADQ, par fusion, donc t'as pas le choix, et la dette de l'ADQ monte à 600 à 700 000 $. C'est vraiment faramineux. C'est le parti le plus endetté au Québec. mais elle gagne en échange la subvention annuelle de près de 800 000 $ qui est versée présentement à l'ADQ en vertu des résultats de 2008. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu fusion. Source de financement. Source de financement assurée pour le parti, mais il restera à voir si les budgets de recherche seront alloués. Et ça, les budgets de recherche, c'est ce que je parlais tantôt pour la reconnaissance des votes ça, et de l'élection. Je pense c'est quoi, générale. 500 000 ça? C'est au prorata, c'est un calcul mathématique pour déterminer combien, mais ça joue dans les trois c'est chiffres. Plus que, chiffres-là. C'est ça, c'est plus que la moitié, là, je pense, là, que j'avais entendu. C'est ça, il y a un calcul là, que je suis pas assez certain pour en parler. Monsieur Legault, pour la fusion, a dû consentir à deux importants points de l'ADQ, c'est-à-dire un projet pilote en santé pour étudier la mixité en santé, donc public-privé. Mais Legault s'était déjà prononcé pour mettre l'effort sur le public et non pas le privé, ne pas embarquer le privé dans son programme. Donc là, Legault a été assez « wise », entre guillemets, pour dire à l'ADQ « oui, je vais faire un projet pilote », mais on s'entend ici, là, on est capable de lire entre les lignes. Un projet pilote, c'est « ok, on va le mettre en marche, mais ça va prendre 6 mois, 8 mois, 10 mois, les conclusions sont pas assez positives, donc on laisse tomber et plus personne n'en parle, plus personne ne va s'en souvenir. » Et on l'a fait. Oh oui, et si à un moment donné, quelqu'un dit ah, « vous n'avez pas respecté, on, ouais, on a un rapport plein de poussière ici, là, on l'a fait. Mm-hmm. » Et aussi pour l'autre concession majeure qu'il a faite, c'est pour l'allocation aux parents. L'ADQ se bat depuis longtemps pour que le gouvernement donne 100 $ par mois ou par semaine. Là, 100 $ On regarde ça. 100 $ par semaine. Par semaine ouais, aux familles qui ne veulent pas envoyer leur enfant dans un CPE étatisé, donc communiste, selon leur langage. Mais là, Legault, lui, était contre ça à l'origine. Mais il s'est dit, ouais, là, pour fusionner, j'ai pas le choix de dire oui. Mais encore là, il dit, on va regarder nos finances. Parce que juste mettre en place le 100 $ par semaine, ça coûterait 800 millions de dollars au Québec. Yo. On s'entend que le principal argument, c'est on n'a pas une scène là, pour ça. Fait que, donc, l'ADQ s'est fait avoir royalement sur toute la ligne. Donc, l'ADQ dit 10 des 12 projets de la CAQ figurent déjà dans notre parti. Il dit non. Mais il y en avait juste deux, puis il n'y en a plus. En regardant la conférence de presse, en fait, des deux, mardi dernier, c'était lundi, en fait, je trouvais que c'est... non, pas Mario Dumont, mais plutôt François Legault qui s'est fait mettre en boîte par Gérard Deltel en le laissant parler en premier, où justement, ils ont étalé tout ça, et aussi la CAQ qui est devenue autonomiste. Et Legault avait l'air surpris que Deltel dise tout ça. Oui, c'était la dernière tentative de Deltel de sauver... de se sauver la face parce qu'il est autonomiste, donc fédéraliste, mais un Québec fort dans un Canada fort, si on résume sa pensée. Et Legault, lui, il est ni droite, ni gauche, ni fédéraliste, ni souverainiste. Donc, il dit, question constitutionnelle, on n'en parle pas. Et là, comme disait Simon, Deltel, en parlant en premier au micro, il dit, je suis heureux d'être dans ce parti autonomiste. Le Legault le regardait avec un sourcil que... surélevant, vous l'avez dit. Ça part mal. Il a ravalé. Cool. Et puis là, quand les journalistes l'ont demandé à Legault, parce que les journalistes aussi ont détecté le piège de Deltel, ils l'ont demandé à Legault. Legault a pris une grande gorgée d'eau, puis il a passé à un autre sujet. On verra. On verra. Donc, ça fait pas tout à fait l'affaire que la fusion ait eu lieu. Des membres de l'ADQ, des purs et durs, ceux qui ont le sang bleu et rouge qui coule dans leurs veines, dont le président de l'aile jeunesse, Denis Claveau, et le président de la commission politique, Claude Garcia. Deux types, sans compter Adrien Pouliot, qui est un des présidents au gradé de l'ADQ aussi. Des types qui ont été recrutés spécialement pour Deltel pour radicaliser l'ADQ, parce que Deltel trouve l'ADQ trop à gauche. Mm-hmm. Ouais, d'ailleurs, le président de la jeunesse, le seul clip qu'il y avait de lui à télé, c'est où il disait qu'il fallait absolument couper de l'argent dans l'État. T'sais, lui, il parlait pas de la fusion avec la CAQ, il disait « Ah non, il faut juste qu'il y ait moins de dépenses. » Lui, il y a une finalité, c'est pas d'abolir l'État, mais c'est de couper l'État-providence. Mm-hmm. Donc, ces types-là feront campagne contre la fusion. Ils ont exprimé leur opposition lors de la réunion de lundi soir. Trois autres personnes ont alors voté contre la fusion, dont le vice-président de la jeunesse, Albert Demartin, qui est devenu aussi représentant régional. Donc, dans l'exécutif, 27 des 32 membres ont voté pour la fusion. Donc, il y a déjà une branche radicale, appelons-la comme ça, de pro-ADQS qui vont utiliser les moyens internes, donc les listes de diffusion des membres, des 2500 membres. Donc, ils vont pouvoir faire passer leur message. Mais ça, il fallait s'en attendre. Ça peut pas plaire à tout le monde. Il aurait pu juste ravaler puis dire « OK, on abandonne, on quitte le navire pendant un seul temps, puis on s'en va la tête haute, puis on rallie le mouvement de Joanne Marcotte, de l'extrême droite québécoise, là, sur papier le seulement. » RLQ. Voilà, RLQ, oui. Donc, on verra s'il y a vraiment des chicanes comme chez le Parti québécois à l'ADQ pour la fusion. Parce que, je répète, c'est seulement au mois de janvier qu'on va le voir. Donc, pendant le temps des fêtes, c'est le temps, ça, de parler de politique entre deux verres autour du brunch. Puis, hey, toi, là, t'as ça, puis des religions, puis ces affaires-là, c'est des sujets à aborder en famille. Ce sont les sujets, Mathieu. Ben oui. T'en parleras à ma sœur pour le fun. Et les élections, comment ça va se passer? François Legault craint qu'il y ait des élections générales anticipées. Pas anticipées, mais très prochainement. Parce qu'à l'automne prochain, c'est la commission Charbonneau qui va commencer à écouter ses témoins. Et on sait que n'importe quoi peut être dit ou interprété à la commission Charbonneau, ce qui va faire du tort à Jean Charest. Donc, François Legault juge que mois de juin, maximum, on sera en élection générale. Ça se peut. Donc, lui, il va mettre les bouchées doubles pour se... Se stager, s'organiser pour être fin prêt pour les élections générales. Et donc, je répète, la fusion aura lieu, les résultats du moins auront lieu le 22 janvier 2012 pour une rentrée parlementaire le 14 février 2012 toujours. À surveiller. Mais lui, juste en terminant, je considère que c'est tiré dans le pied dans le sens où son parti était vu comme un renouveau, quelque chose de nouveau. Mais là, avec la fusion avec l'ADQ, les gens n'ont comme pas l'impression que... Là, officiellement, la CAQ est à droite. Là, on peut plus le nier. Là. C'est un parti de droite. Et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau dans le sens où il y avait l'ADQ, tu sais, quand il y a fusion, je sais pas. Ouais, ben juste l'ADQ, les trois lettres, et avec le chef Deltel, n'ont plus la sympathie du public côté image. Donc, il n'y avait pas le choix de faire un virage à 180 degrés. Exactement. Et leur virage s'est confronté à la CAQ. Donc, ils n'ont pas eu le choix de dire soit on fait une alliance, soit on se dissout puis on rallie la CAQ. Mais ça aurait été bien. Ou on fusionne. Ouais. En fait, ils auraient pu également mettre leur siège en jeu parce que là, les gens n'ont pas voté pour la CAQ. Là. Ils ont voté pour l'ADQ, ceux qui pouvaient rester, mais on s'entend que peut-être qu'ils n'auraient pas été réélus nécessairement, à part peut-être Sylvie Roy. Là. Il avait fait une bonne job. Mais d'ailleurs, je pense que c'est une bonne idée que Gérard Deltel soit là, non pas parce que je trouve que c'est un bon chef ou c'est un bon politicien, mais il est capable de répondre aux questions mieux que Legault, qui lui aussitôt qui sort de sa feuille de route. Ouais, c'est ça, il est tout courant. Ouais, puis Legault, ça va, tu vois que ça fait longtemps qu'il n'a pas été en politique. Il est encore rouillé, là. Ouais, il a la gorge enrouée un peu. Que oui, il y a encore beaucoup de misère. Ça va se placer. Donc, oui, et surtout que Jean Charest se meurt d'envie de monter sur le ring contre Legault. Ah, il n'arrête pas de leur tirer dessus. À chaque jour, il y a une manchette dans les journaux pour dire « Ah ouais, bien temps, je t'attends. » Jean Charest, il a redécouvert. Se battre contre Pauline Marois, il trouvait sa place. C'est comme les sacs gonflables qu'on achète jeunes, les clowns, les pour faire une bague d'enfants. C'est plate, ça, frapper là-dessus. Ça n'a pas de tonus. Tandis que François Legault, c'est un vrai punching bag en cuir de vache renforcé. On s'entend que Jean Charest a beau être critiqué partout. C'est un très bon politicien dans le sens campaigning. Il est très bon également pour fesser sur ses adversaires. Il est excellent pour ça. Et ça fait longtemps justement qu'il n'a pas pu le faire. Pauline Marois était déjà à terre. Gérard Deltel n'est pas là. Là, Legault, il va avoir beaucoup de plaisir avec. J'ai vraiment hâte de voir ça. On va peut-être voir Jean Charest renaître, en fait, dans les prochaines semaines. Une seconde vie pour JC. Jesus Christ. Comme un chat. Oui, 9 vies. Il est rendu à sa 7e à peu près. Là. Il y en a utilisé pas mal, mais il en reste encore. Merci François Landry. Hey, merci beaucoup. Mathieu Plante. Pas à jeudi prochain, c'est ta dernière collègue aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Je quitte pour des cieux meilleurs, peut-être. Merci, c'est fin. C'est mon lit, mon oreiller, mais je vais vous écouter quand même. C'est pas mal meilleur un lit qu'à ça. Alors que je me mette à lire le journal pour combler l'absence la semaine prochaine. Tu m'imiteras, oui. Bonne idée. Bon. Et on se voit en 2012. Oui, bien sûr. Oui, monsieur Frey dispo pour une autre saison palpitante en politique parce que là, élection générale, j'ai un souhait à vous dire au lieu de la santé puis du succès dans vos études, des élections. On veut des élections. Écoute, ça va être tellement. C'est apprécié. J'ai hâte. Non, merci et puis bonne merci journée. Hey, bonne joyeuse fête, etc. Toi aussi. Bon. Puis des bons becs de ma tante. Oh. J'ai ça, tu sais, qu'il te paye le jour. En pincette. Je me rappelle vaguement. Donc c'est la fin de l'émission pour aujourd'hui et la fin de l'émission pour cette semaine. On va se retrouver lundi matin à 7h avec une autre édition d'Assemblage requis. Et lundi à l'émission on aura Kiwan en cavale. Kiwan. Oui. À 8h on aura notre ami Xavier Antoine. Oui, c'est sa fête aujourd'hui. Bonne fête Xavier. Et à 8h30 Nicolas Ducharme qui va nous parler de sport. Voilà, c'est le plan pour lundi. Restez sur nos ondes pour la sécheuse à 9h. Ensuite je serai de retour avec Célix.zip et les capsules chronique scénique d'Assemblage requis. À 11h, le dîner de con avec Denis Janvier. À 13h, 6 degrés avec Kim Bergeron. À 14h, je serai avec Marie-Pierre Laforge-Bourret pour la dernière édition régulière des Palmarès C'est fou pour cette année. Entre 14h et 17h. À 17h, c'est La Sécheuse. 18h, La Spirale avec Mathieu Leblanc-Houle. 19h, Sky Punka. Et 21h, Le Lobby avec la musique électronique. Alors, merci évidemment Simon Fitzbé. Merci Simon Fitzbé. François Landry. Merci François Landry. François Marchand. Merci Mathieu Plaut. Et vous les requins, bonne fin de semaine. Bye bye. Bye. Start a war for the kids, a purpose for which to unite. Make them some words they can mend. What they don't know, they won't mind. Find them a foe for the fight. And stories to tell as they age. Then maybe time will decide which ones keep and which ones fade. There's the deepest sleep in my blood, from which I am slowly coming to. And every fire to burn. Burn all the letters I wrote. Write me a list of concerns. If we are at peace, if we are